Matthieu chapitre 23. Alors Jésus parla aux troupes, et à ses disciples, disant, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Toutes les choses donc, qu'ils vous diront d'observer, observez-les, et les faites, mais non point leurs œuvres, parce qu'ils disent, et ne font pas. Car ils lient ensemble des fardeaux pesants et insupportables, et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent point les remuer de leurs doigts. Et ils font toutes leurs œuvres pour être regardés des hommes, car ils portent de larges phylactères, et de longues franges à leurs vêtements. Et ils aiment les premières places dans les festins, et les premiers sièges dans les synagogues, et les salutations au marché, et d'être appelés des hommes, notre maître. Notre maître. Mais, pour vous, ne soyez point appelés, notre maître, car Christ seul est votre docteur, et pour vous, vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, lequel est dans les cieux. Et ne soyez point appelés docteur, car Christ seul est votre docteur. Mais que celui qui est le plus grand d'entre vous, soit votre serviteur. Car quiconque s'élèvera, sera abaissé, et quiconque s'abaissera, sera élevé. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui fermez le royaume des cieux aux hommes, car vous-même n'y entrez point, ni ne souffrez que ceux qui veulent entrer, y entrent. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous dévorez les maisons des veuves, même sous le prétexte de faire de longues prières, c'est pourquoi vous en recevrez une plus grande condamnation. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et après qu'il l'est devenu, vous le rendez fils de la géhenne, deux fois plus que vous. Malheur à vous conducteurs aveugles, qui dites, quiconque aura juré par le temple, ce n'est rien, mais qui aura juré par l'or du temple, il est obligé. Fou, et aveugle, car lequel est le plus grand, ou l'or, ou le temple qui sanctifie l'or? Et quiconque, dites-vous, aura juré par l'autel, ce n'est rien, mais qui aura juré par le don qui est sur l'autel, il est lié. Faux et aveugle, car lequel est le plus grand, ou le don, ou l'autel qui sanctifie le don? Celui donc qui jure par l'autel et par toutes les choses qui sont dessus. Et quiconque jure par le temple, et par celui qui y habite. Et quiconque jure par le ciel, jure par le trône de Dieu, et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous laissez les choses les plus importantes de la loi, c'est-à-dire, le jugement, la miséricorde et la fidélité, il fallait faire ces choses-ci, et ne laissez point celles-là. Conducteur aveugle, vous coulez le moucheron, et vous engloutissez le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais le dedans est plein de rapines et d'intempérance. Pharisien aveugle, nettoie premièrement le dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors aussi soit net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous êtes semblables aux sépulcres blanchis, qui paraissent beaux par dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements de mort, et de toutes sortes d'ordures. Ainsi vous paraissez juste par dehors aux hommes, mais au dedans vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous bâtissez les tombeaux des prophètes, et vous réparez les sépulcres des justes. Et vous dites, si nous avions été du temps de nos pères, nous n'aurions pas participé avec eux au meurtre des prophètes. Ainsi vous êtes témoins contre vous-même, que vous êtes les enfants de ceux qui ont fait mourir les prophètes. Et vous achevez de remplir la mesure de vos pères. Serpent, race de vipères, comment éviterez-vous le supplice de la géhenne? Car voici, je vous envoie des prophètes, et des sages, et des scribes, vous en tuerez, vous en crucifierez, vous en fouetterez dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que vienne sur vous tout le sang juste, qui a été répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous dis, que toutes ces choses viendront sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez point voulu. Voici, votre maison va devenir déserte. car je vous dis, que désormais vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.